Les histoires d'amour sont finies pour toujours et... Tes histoires d'amour sont finies pour toujours. Cette nuit t'ennuie et tu payes le prix des overdoses de thunes et décrochages de lune. Cette histoire d'un jour finira dans la course et... Malheureux à dire, mais t'as choisi la pire des solution qui commence par ouvrir la fenêtre. Finissent dans la course sans faire de détour. C'est en bas que tu as commencé à aimer sa manière de draguer. Puis en haut tu l'as fait monter pour franchir ta porte bien fermée. Tu as regardé son ombre qui partait et tu as pensé un peu, t'as regretté beaucoup, mais la vitre qui s'ouvrait, cet oiseau qui chantait, c'est difficile à dire quand c'était écrit. Le soleil tapant sur ta dépouille, les vêtements séchant au gré du vent. Maintenant on sait que t'as des couilles, mais le sang est sec.